semaine éprouvante. Pour nous des millénaires d'épouvante. Qu'ils pleurent ou qu'ils chantent. Qu'ils pleuvent ou qu'ils ventent. L'attente est longue, il y a plus de mal que de peur. Dans 30 millions d'années, la planète sera neuve. Qu'ils chantent. Tourbillon.